essentiel. Divulgo

essentiel. C'est aussi ça. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à tous, voici les 13h passées de 30 minutes. Eh bien, bonjour à tous, à vous toutes, bien sûr. Retour avec l'accordéon comme tous les dimanches après-midi jusqu'à 16h. Voilà aussi, j'espère que vous tous, eh bien, vous avez pu tout simplement bien changer l'heure. Donc, il est bien tout simplement 13h passées de 30 minutes, non pas. Eh bien, comme d'habitude, on devrait être 12h30 passé, mais non, on revient tout simplement en avance d'une heure. Donc, eh bien, j'espère que tous l'a failli penser. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, voici donc d'autres morceaux d'accordéon et on débute l'émission avec la valse et puis juste après le Madison et puis un petit coucou à une fidèle auditrice qui aime le Madison, Chantal. Voilà donc, eh bien, voici l'accordéon. Thank you. voici le Madison. Thank you. Voici donc la samba et suivi tout simplement du tango. Dans tous les domaines, il y a des phénomènes. Je me souviens la guerre, juste après la guerre. Les danses excentriques nous venaient d'Amérique. Et rêvant, tu as joué Maria de Bahia. Papi dans sa samba, mamie aime bien ça. Au club le mercredi, ils vont danser l'après-midi. Pour bien que jeunesse passe, mettons-nous à leur place. On sera sûrement content de pouvoir un jour en faire autant. Papi, papi, papi dans sa samba. Mamie, mamie, mamie aime bien ça. L'autre jour, monsieur le maire, à sa secrétaire, je suis en pleine forme, là que je me transforme. Vu que je suis grand-père, c'est extraordinaire. Malgré mes cheveux blancs, rien ne peut freiner mes élans. Papi danse sa samba, mamie aime bien ça. Au club le mercredi, ils vont danser l'après-midi. Au bien que jeunesse passe, mettons-nous à leur place. On sera sûrement content de pouvoir un jour en faire autant. Papi, papi, papi dans sa samba. Mamie, mamie, mamie aime bien ça. Taquine la Juliette, boca poler inquiète. Je lui dis qu'à son âge, surtout s'il est pas sage, de faire attention et de surveiller sa tension. Papi dans sa samba, mamie aime bien ça. Au club le mercredi, ils vont danser l'après-midi. Combien que je laisse passe, mettons-nous à leur place. On sera sûrement content de pouvoir un jour en faire autant. Papi, papi, papi dans ta samba. Mamie, mamie, mamie aime bien ça. Papi, papi, papi dans ta samba. Mamie, mamie, mamie aime bien ça. Thank you. On retourne avec la valse et puis juste après du côté de l'Espagne. toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc un petit bonjour à Monique. Et voici deux morceaux de Tout simplement en Espagne et une des chansons avec Rina Kitty en accordéon. Avec Tout simplement, et c'est Rina Kitty avec Sombrero des Antilles, Mantilles, voilà. Et c'est un accordéon, et c'est un petit coucou, toujours pour Monique. Thank you. dans l'air quelque chose de changé, simplement parce que c'est dimanche. On se laisse aller et pour toute la journée, pas besoin de retrousser ses manches. Depuis lundi, on peut dire qu'on l'attend, et c'est la flemme qui prend sa revanche. La canne à pêche, la belote, c'est si bien quand le dimanche revient. Bien sûr, il y en a qui ne sont pas d'accord, ils préfèrent en mettre un bon coup. Le beau jardin, le petit bal, les sports, il y a des plaisirs pour tous les goûts. Mais voyez-vous, on dira ce qu'on veut, c'est le jour des amoureux, le dimanche. Dans les buissons, les baisers qu'on écoute, il y en a presque sous toutes les branches. C'est pas possible de passer la journée à toujours cueillir des pervenches. Il y a des bonnets par-dessus les moulins quand le dimanche revient. Venir voir mes amis aux quatre coins du pays le dimanche. Allons les cœurs sur cette terre à trois temps, ce ne serait pas le moment, ça flanche. Dans mon soufflet, c'est pour vous que j'ai gardé une provision de gaieté bien franche. Il y a partout du bonheur et de la joie quand le dimanche est là. Arc-en-ciel. Voici donc la sœur Cathy, et puis juste après la marche. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Thank you. arc-en-ciel. Retour avec l'Espagne, et puis juste après on les recoutera tout simplement avec la chanson Le Picardie. C'est ça, totalement le direct. Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. Arc-en-Ciel. Voici donc la polka et puis celui du country. après le country, retour avec la valse. Thank you.

jazzy et bien balancé en somme. C'est ça le pas du Madison. Oui, ça le fait, comme dit ma cousine Yvonne. C'est ça le pas du Madison. Quand on le danse, on est pris un maximum. Pas question de répondre au téléphone. Tous en ligne, c'est super. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Morceau, voici donc le boléro et puis juste après les castagnettes. Voici donc deux chansons différentes. La première, voici pour moi avec Véro pour le passo. Et puis l'autre, toujours l'autre morceau, pour Véro, tout simplement, on comprendra, c'est du disco. Je l'écoute.

Voici donc tout simplement avant la polka, voici le bourré. We'll be right back. juste après la bourrée, voici donc la polka. Suis du country. soirée est un peu belle. Mais il en faut bien pour s'amuser un peu. Pas question que je m'arrête, tout bêtement en plein milieu. Oh my doll, Clémentine, tu n'es pas un prix de beauté. Tu ressembles avec Cassine quand tu vas faire ton marché. Cette histoire est un peu belle, mais il en faut bien pour s'amuser un peu. Pas question que je m'arrête, tout bêtement en plein milieu. Thank you. Arc-en-ciel. Voici donc un morceau, le Madison, et puis juste après, le disco. Swingin' merveilleux, maman. Valse. avec toi, Maria. Cette valse au soleil, mes souvenirs d'amour. Je revois l'instant si doux, tous deux, assis sur le vieux banc de pierre. Tu sens tes ponts d'entre prières. Je me suis mis à genoux, comment fais-tu de prière? À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Cette valse avec toi, Maria, chantons sa ritournelle, je t'aimerai toujours. Bientôt 55 et 15h. Voilà donc l'émission touche sa fin. Voilà donc on va se retrouver donc et bien dimanche prochain. Mais aussi on se retrouve aussi mardi après-midi toujours. Voilà. Donc les uns, j'espère que vous avez passé bon après-midi à ma compagnie avec l'accordéon. On va se retrouver, rassurez-vous, avec d'autres morceaux d'accordéon différentes. Voilà donc et bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute!